mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous. Je m'en fous. De tout. De ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'enfuis. J'oublie. Je m'enfuis.